Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais un peu décrire le milieu dans lequel vont s'inscrire ces consultants, notamment les risques psychosociaux au travail, le fait que ces RPS sont un objet de recherche complexe. Cette complexité est liée, cela a été régulièrement étudié, cette complexité est liée tout d'abord au flou conceptuel existant autour des RPS, le fait que de nombreux acteurs ont essayé de qualifier, d'aboutir à un consensus scientifique autour des RPS, mais un flou conceptuel subsiste. Ce flou est dû à différents éléments. Tout d'abord, la multiplicité des grilles de lecture disciplinaires et des logiques d'occurrence des RPS. On peut rapidement citer différents cadres disciplinaires, notamment l'approche biologique, l'approche épidémiologique, l'approche cognitive, l'approche en termes de clinique de l'activité, l'approche psychodynamique, gestionnaire, sociologique. Chacune de ces approches disciplinaires appréhendant ces risques psychosociaux ou éclairant ces RPS via différentes visions, mettant en lumière différentes logiques d'occurrence. Donc, comme je viens de le dire, la complexité est également due à l'absence de consensus scientifique. Le collège d'expertise ayant, dans son rapport, dégagé une conception justiciable d'une approche scientifique, mais actant l'existence de ce consensus. Cependant, dans le cadre de l'analyse du rôle des consultants dans la prévention des risques psychosociaux, j'ai voulu aborder ce phénomène d'RPS plutôt via son fort potentiel stratégique et conflictuel qui a été relativement peu abordé. En effet, ces RPS, encore une fois, qui est un phénomène complexe, qui est un phénomène flou, présente un terreau fertile à la mise en place des stratégies d'acteurs et à une lutte des représentations des RPS, notamment dans l'entreprise. Le fait d'aborder les RPS via ce fort potentiel stratégique permet d'avoir une analyse assez intéressante du rôle des consultants dans la prévention des risques psychosociaux. Donc aborder les RPS comme un phénomène stratégique et conflictuel me paraît indispensable dans un contexte de pression pour agir. En effet, il existe différentes sources de pression, des pressions juridiques, notamment le fait que la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée s'il ne respecte pas son obligation de sécurité. Des pressions d'ordre économique et social, notamment le fait qu'il y a le coût de plus en plus important de l'absentéisme, du turnover, etc., qui pousse à agir, mais également la pression très importante d'ordre politico-médiatique avec la médiatisation d'affaires telles que celle de France Télécom et beaucoup plus récemment La Poste qui suit un peu les mêmes tracés que ce qu'a connu France Télécom, je le pense. Donc on traite les RPS par obligation plus que par sensibilisation. Donc cela paraît intéressant d'aborder les RPS comme un phénomène stratégique et conflictuel, mais également le fait d'aborder les RPS de cette manière, via cet angle de vue stratégique, permet de s'interroger sur la manière dont les représentations des acteurs entrent en conflit. En effet, en analysant un peu les différentes représentations des RPS, il s'avère qu'il existe des représentations un peu plus individualisantes et des représentations un peu plus organisationnelles des sources de mots, des sources de risques psychosociaux. Et cela revêt un enjeu très important, qui est celui de l'imputation de la responsabilité des RPS. En effet, la représentation des RPS qui sera retenue engagera une responsabilité de l'occurrence, de l'apparition des risques psychosociaux. Et cela aussi permet, en abordant les RPS comme un phénomène stratégique et conflictuel, cela permet un peu de réinterroger ou de réanalyser la diversité des solutions préventives. En effet, le panel de solutions préventives est relativement large, pouvant aller de la réorganisation du travail à la mise en place de cellules d'écoute psychologique, voire de tickets psy, sous la forme des tickets restaurants, ça existe. Et en abordant donc les RPS comme un phénomène stratégique et conflictuel, cela permet de réinterroger la diversité de ces solutions préventives, notamment via le fait que la réorganisation du travail sera plus une remise en cause du travail et de son organisation, et donc en filigrane du management, et la mise en place de cellules d'écoute psychologique ou de solutions beaucoup plus individualisantes aboutit plutôt à une remise en cause de l'individu. Donc après avoir posé ce champ cette manière d'aborder les RPS, je souhaitais me focaliser sur un acteur qui est de plus en plus mobilisé dans le cadre de, sur la scène des RPS, de plus en plus mobilisé, sont les cabinets conseils. Cet acteur est donc au cœur des interactions. Cet acteur est intéressant à étudier par rapport au fait qu'il est au cœur des interactions et des rapports de force entre les membres de l'organisation et qu'il est également force de proposition préventive. Nous avons vu l'importance, enfin la valeur, j'allais dire, symbolique des solutions préventives et le fait que certaines peuvent plus remettre en cause le travail, d'autres plus l'individu. Donc ces acteurs sont centraux au cœur de cette prévention. Donc comme je l'ai dit, ce sont des acteurs de plus en plus mobilisés, ce qui est directement lié au fait que les RPS sont un phénomène flou, les fameuses pressions pour agir que j'ai abordées juste avant. Et ces acteurs sont de plus en plus mobilisés de par leur puissance de réflexion, leur œil externe, leur externalité, leur capacité d'expertise et leur objectivité. Ça, c'est l'objectif de ma communication. Et enfin, c'est un acteur qui est intéressant à étudier par rapport au fait qu'un marché se structure, le marché du conseil et de l'expertise, notamment le cas de la FIRPS, la Fédération des intervenants RPS, qui témoigne de la structuration progressive de ce marché et du fait qu'il y a une demande de plus en plus importante d'intervention au niveau des RPS et au niveau de leur prévention. Donc mes questionnements sont de trois ordres, de trois types. Tout d'abord, qui sont ces cabinets et ces consultants, leur profil notamment disciplinaire, l'histoire du cabinet, le type de commanditaire, comment interviennent-ils, les modalités d'évaluation psychosociale, les outils mobilisés, les contextes d'intervention et les cibles d'intervention, et enfin, permettent-ils d'objectiver les RPS, la souffrance au travail, encore une fois, au regard du potentiel stratégique et conflictuel des RPS et des relations, des différentes relations pouvant être nouées avec les acteurs de l'organisation. Donc mes questionnements sont de trois types. Qui sont ces cabinets, comment interviennent-ils, et est-ce qu'ils permettent d'objectiver les RPS et la souffrance au travail. Pour répondre à ces trois questionnements, j'ai mobilisé une méthodologie de type exploratoire, qualitative et abductive. J'ai mené 37 entretiens semi-directifs auprès de consultants spécialisés en prévention des risques psychosociaux. Point important, les consultants que j'ai interrogés, font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau I3R-PACA, qui est un réseau institutionnel mis en place donc par la ACT Méditerranée, qui est la branche régionale de l'ANACT, par la CARSAT, anciennement CRAM, et par la DIRECT au niveau PACA. Donc cet échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble des consultants présents sur le marché. C'est vraiment un élément qui est relativement important à préciser. Donc j'ai mené 37 entretiens semi-directifs. Cette sélection, donc ces 34 consultants ont été sélectionnés sur la base de bonnes pratiques, notamment le fait que, notamment le fait d'axer leur prévention sur la prévention primaire au niveau organisationnel, le fait de développer des démarches participatives, etc. Donc c'est un échantillon qui est particulier. J'ai également mené une analyse documentaire, donc de rapports d'expertise, de brochures, de rapports d'expertise ou de conseils, d'analyse de brochures, des sites, des newsletters des différents cabinets. Enfin, le modèle d'analyse que j'ai mobilisé, le triangle de la consultation de Michel Villette, mettant en rapport le consultant, le commanditaire et la cible d'intervention. Donc ma grille d'entretien a été axée sur ce triangle entre consultant, commanditaire, cible d'intervention, en essayant d'éclairer les relations qui se nouent entre ces trois personnes, ou plutôt le consultant, le commanditaire et la cible d'intervention, et pour au niveau théorique, la sociologie de la traduction, pour éclairer la manière dont les consultants vont traduire, vont qualifier les risques psychosociaux et vont essayer de faire converger ou ne pas faire converger les acteurs de l'organisation. Mes résultats, donc encore une fois sur cet échantillon de consultants précis, il s'avère qu'il y a une très grande diversité de profils. C'est quelque chose qui saute aux yeux, de profils disciplinaires, donc des sociologues, des psychosociologues, des ergonomes, un coach d'organisation, une médiatrice, un profil ESC, École supérieure de commerce, et ce que j'appelle les 20 ans d'expérience. Ce sont des anciens du monde de l'entreprise qui se sont... les anciens, excusez-moi, pardon, je ne veux pas vexer. Je suis pas très vieux. Hein. Donc les personnes les plus expérimentées du monde, les seniors, voilà. Donc une grande diversité de profils disciplinaires. Petit point intéressant à noter, il est intéressant de noter que certains consultants ont différentes spécialités disciplinaires, mais ces consultants vont valoriser plus certaines de leurs spécificités que d'autres, vont valoriser une partie de leur spécificité plus que d'autres, notamment le fait qu'ils vont peu valoriser dans leur discours certaines de leurs spécificités que je considère comme individualisantes, notamment leur profil de thérapeute, de victimologue, leur profil vraiment, j'allais dire, de niveau tertiaire, individualisé, agissant sur le soin, au niveau curatif. Donc dans les entretiens, c'est vraiment quelque chose qui est peu valorisé, que j'ai dû un peu gratter pour essayer de mettre en évidence ces profils individualisants. L'histoire des cabinets, donc dans ce réseau, il y a une bipolarisation entre des cabinets nés dans les girons syndicaux, qui sont des experts CHSCT, qui historiquement intervenaient en termes de conseils auprès des comités d'entreprise, et qui progressivement ont étendu leur domaine de compétences, j'allais dire, et pour intervenir notamment en conseil auprès des CHSCT, et avec l'agrément d'expertise CHSCT, donc une bipolarisation entre ces acteurs et des cabinets, des indépendants ou alors des acteurs, des petits cabinets de petites structures qui sont apparus autour des thématiques de risques psychosociaux ou plus, pour les plus anciens, autour des thématiques de dynamique du changement organisationnel. Donc il y a vraiment cette bipolarisation historique des cabinets. Et enfin, ces cabinets répondent à deux types de commanditaires, la direction, dans le cadre de missions de conseil, d'évaluation psychosociale ou à minima d'inscription des RPS dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, mais également auprès des CHSCT, comme je viens de le dire, des cabinets qui sont experts CHSCT, qui interviennent soit dans le cadre de réorganisation, dans le cadre d'un risque grave, notamment suite à une tentative de suicide ou un suicide de salariés. Donc concernant ces cabinets, une très grande diversité de profils. Comment interviennent-ils? Il est intéressant de constater qu'il y a un certain consensus de façade sur les étapes d'intervention, ce qui peut être lié au fait que, encore une fois, ces cabinets font partie d'un réseau, donc ils ont été sélectionnés sur la base de critères. Donc dans un premier temps, 6 étapes d'intervention relativement consensuelles, la manière d'intervenir sur le terrain, une étape de pré-diagnostic, la constitution d'un comité de pilotage, la réalisation d'un diagnostic approfondi, la restitution des résultats et des préconisations auprès du commanditaire et des acteurs, nous le verrons, la petite différence, voire le soutien à la mise en place du plan d'action et au suivi à l'appréciation des actions qui ont été mises en place. Quand je parle de consensus de façade, je souhaite souligner le fait que dans le contenu de ces actions, il existe une grande diversité de contenu. Ces étapes sont... Ça me stresse. Ces étapes sont... Les contenus sont hétérogènes, notamment en termes de population interrogée. Parfois, certains consultants vont plus s'axer sur un certain type de... ne vont pas, par exemple, interroger les membres de la direction, ou à l'inverse, ne vont pas interroger certains représentants du personnel. La composition du comité de pilotage est une très grande diversité. Des approches qui vont être strictement quantitatives, ça a été présenté avec les instruments de mesure, ou plus d'ordre qualitatif, ou un certain mix entre ces deux éléments. Et la nature des relations nouées. Donc il y a un consensus de façade sur les étapes d'intervention, mais dans le contenu des interventions, il y a une très grande diversité. Les sites d'intervention vont être divergents. Certains vont, notamment les ergonomes, vont s'axer sur ce qu'ils appellent le travail réel, et plus sur l'organisation du travail. D'autres vont plus partir éclairer les modèles cognitifs qui sont mobilisés, les représentations individuelles des acteurs, etc., ou voir le climat social. Et des contextes d'intervention très différents. Parfois, c'est une initiative conjointe de la direction et des instances de représentation du personnel. rapidement, c'est le contexte le plus facile, le plus propice à la mise en place d'une vraie politique de prévention, et à l'opposé d'un contexte d'intervention lié à une injonction de l'inspection du travail qui est un peu plus potentiellement conflictuel. Donc c'est tout ça pour souligner qu'il existe des contextes plus faciles que d'autres, des contextes d'intervention, et que ces cabinets sont perçus différemment de la part des acteurs de l'organisation. Tout ça pour dire toute cette grande diversité, pour arriver au fait qu'il n'existe pas un seul type de cabinet en prévention des risques psychosociaux. Mais juste avant d'aborder cette distinction, cette typologie, il faut souligner le fait que ces cabinets ont un rôle décisif dans la construction sociale des RPS, dans la représentation qui va être promue. Donc, et cette construction peut être porteuse de stratégie. On en revient au contexte d'intervention, au potentiel conflictuel des RPS, ce qui m'a permis de proposer une certaine typologie des cabinets conseils. Tout d'abord, des cabinets que l'on considère comme co-constructifs, qui sont des cabinets agitateurs d'idées, qui vont inciter au débat sur le travail et sur son organisation, qui vont promouvoir le dialogue social et qui vont avoir pour objectif de désindividualiser la responsabilité et qui vont défendre le point de vue du travail, le point de vue de l'organisation du travail. Des cabinets militants, qu'ils soient pro-direction ou pro-représentants du personnel, qui vont partager, défendre et revendiquer les représentations des commanditaires. Donc on peut considérer leur diagnostic et leur solution préventive comme étant à charge de l'opposant au commanditaire, qui vont s'inscrire dans le rapport de force, qui peuvent encore une fois être pro-direction ou pro IRP, c'est plutôt le profil des experts CHSCT, et des cabinets adaptables, voire passifs, qui ont plus un rôle de caution externe de la direction notamment, qui sont instrumentalisés de manière passive ou active, et qui vont être ce que j'appelle dépénalisants au sens qui vont permettre de désengager la responsabilité pénale de la direction. Donc c'est une réponse préventive à minima. Donc cabinet co-constructif, cabinet militant, pro-direction, pro-IRP, cabinet adaptable. En conclusion, les cabinets conseils peuvent être des soutiens décisifs à l'amélioration de la compréhension des RPS et à la construction sociale des RPS, mais ils peuvent être des acteurs du rapport de force autour des représentations des RPS de manière active, par rapport à une vision militante, et de manière un peu plus passive via une certaine instrumentalisation. Donc ils sont acteurs du rapport de force. Donc pour répondre à la question, est-ce que ces acteurs sont des acteurs objectivants, on peut considérer qu'au mieux, ces cabinets conseils, donc au mieux je considère les cabinets conseils co-constructifs, le premier type de cabinet, vont être des acteurs qui vont proposer un faisceau d'indices objectifs qui peut être une base de la co-construction, qui vont donner via des outils permettant de mesurer, ça a été présenté juste avant, de mesurer un peu la situation de travail. Donc vont être des acteurs qui vont rechercher un faisceau d'indices objectifs qui va être à la base de la co-construction, plus que l'objectivité réelle des mots. Donc ils peuvent être une aide à la résolution et non la résolution des RPS. Enfin, je me pose la question, si le rôle des cabinets était justement le fait de remettre le travail et son organisation au cœur du débat interne à l'entreprise et inciter les acteurs de l'organisation à se saisir eux-mêmes de ce débat? Donc est-ce que ce n'est pas leur rôle? J'ai plutôt tendance à le penser. Je vous remercie.